Bonjour et bienvenue dans Paraculte, le podcast de pop culture où on vous parle de trucs qui nous ont plu, des trucs rêves, des trucs variés, des trucs divers, mais des trucs toujours cool. Je suis pas seul cette fois pour vous parler de trucs qu'on a aimés. Il y a aussi Kassim. Comment vas-tu, Kassim ? Ça va très bien. Prêt à donner plein de recommandations, enfin une surtout, mais toujours prêt à voilà, recommander des trucs que j'ai dans ma besace. Mais oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on va recommander cette fois-ci? On est parti sur un épisode animé. Alors, un épisode animé, bon, moi, ce sera Akudama Drive. Et toi, ça sera l'animé Dragon Quest. Alors, yes. C'est vrai que Dragon Quest, ça nous évoque effectivement forcément du jeu vidéo. Mais pas que, en fait. Les Japonais sont très cross-média, donc tu me disais, c'est aussi un manga et aussi un animé. Et apparemment, c'est un animé que tu as beaucoup apprécié. Oui, c'est d'abord un manga que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais tout petit, puisque c'est, alors comme tu l'as dit, c'est bien sûr tiré de la série de jeux vidéo Dragon Quest, mais il faut savoir que dans Dragon Quest, déjà chaque épisode est un petit peu indépendant, et là le manga en particulier n'est pas une adaptation d'un des épisodes par exemple, mais vraiment sa propre histoire, son propre univers, donc il n'y a pas besoin en cela d'avoir joué aux jeux vidéo, déjà je voulais commencer par ça, c'est vraiment son propre manga. Là, c'est la question que je me posais tout de suite, c'est est-ce que c'est l'adaptation de d'un des jeux, quoi, voilà. Non, ça reprend des codes de l'univers. Ça pourrait être un jeu Dragon Quest, en fait, en termes d'histoire et de personnages, mais c'est un manga. Mais voilà, il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit de l'univers, ou il n'y a pas besoin de. C'est juste qu'ils réutilisent des codes, des choses habituelles dans la série de jeux vidéo. Et donc, c'est un manga qui, à la base, est sorti en 91, enfin dans les années 90. Nous, on l'a connu sous le nom Fly, en français. À l'époque, c'était J'ai lu, je crois, qui s'était occupé de l'édition du manga. Et il y avait eu une adaptation en animé aussi, à l'époque, pareil, qui s'appelait Fly, en France, qui avait dû passer dans le Club Dorothée, je pense, et qui, malheureusement, s'était interrompu au bout de 20-30 épisodes, alors que le manga, lui, a continué pendant, je crois qu'il y a une trentaine... 37 volumes, voilà, du manga en entier, qui lui a eu une fin, il a été édité jusqu'au bout, donc, et c'est une spécificité, je trouve, pour un manga qui est de type shonen, c'est qu'il a une fin, et qu'il a que 37 volumes, il n'y en a pas 200, et il n'y a pas 400 000 OAV autour du truc. C'est contenu, ah oui, c'est sûr que par rapport à Naruto, exactement, pas, c'est vrai que c'est très contenu. c'est pas mal aussi. Déjà, 37 volumes, c'est pas mal, c'est quand même pas mal, mais ça reste relativement contenu et facile, accessible, quoi, on va dire. Et donc là, il y a la Toei, en fait, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que la Toei a relancé une animation. Une adaptation animée de la série, là, de façon complètement moderne. Ils ont commencé fin 2020. On en est à une vingtaine d'épisodes, là. Et bon, alors, bien sûr, le gros espoir des fans, c'est que cette fois, l'adaptation aille jusqu'au bout, j'espère. Ça donnerait, normalement, au rythme où ils vont actuellement, à peu près une centaine d'épisodes à animer. On en est déjà à une vingtaine. Donc, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout, histoire qu'on ait voilà, une adaptation complète en animé. Donc, on est parti pour quelque chose comme 5 saisons, quoi, quand même, hein, 5-6 saisons. Bah ouais, je me rends pas compte, c'est vrai que je suis pas ultra familier avec le rythme de diffusion en particulier en ce moment en plus, comme c'est un peu compliqué de diffuser et préparer de travailler toujours dans le contexte qu'on a actuellement. Mais j'espère voilà, qu'ils adapteront en entier. En France, c'est diffusé sur Anime Digital Network et Crunchyroll. On a de la VOST quasi synchro avec la diffusion japonaise. Je sais pas, il doit y avoir quelques heures ou 24 heures de décalage, un truc comme ça. Mais voilà, on est quasi synchro. Donc ça fait plaisir aussi. Y a pas besoin, on peut parfaitement légalement voir l'animé. Et c'est un shonen vraiment très intéressant parce que... alors c'est évidemment les gentils contre les méchants, le gentil qui... réussi grâce au pouvoir de l'amitié, et à tous ces codes de la morale des shonen, ils arrivent à vaincre les ennemis. Donc ça tous les codes sont un peu respectés. Et en plus on a les codes de Dragon Quest avec un univers qui est très heroic fantasy médiéval. Je voulais te poser la question parce que Dragon Quest, il est aussi une partie du succès du jeu vidéo Dragon Quest, c'est Toriyama, c'est les illustrations de Toriyama, le chara-design de Toriyama. Du coup, là, est-ce qu'il a joué un rôle dans les mangas, dans l'animé ou quoi que ce soit ? Non, pas du tout. C'est un manga de Koji Inada et Riku Sanjo. Alors, évidemment, dans les premiers volumes, tu sens qu'il y a une patte inspirée de Toriyama. Et d'ailleurs, le chara-design des monstres est respecté. Et ça, c'est du Toriyama aussi. Partie de ça, en fait, le manga a ses propres personnages Et au fil du temps, les mangaka ont réussi à avoir leurs pattes, en fait, et avoir des personnages qui ont un peu changé de. Ah d'accord, Souvent tu en sens qu'un dessin, style. voilà, il y a un Ouais, style c'est qui vrai. a Ouais, légèrement évolué. tout à Alors, fait. ça reste très proche, mine de rien. On est très quand même dans les canons un peu de design de Akira Toriyama. En plus, c'est la grande époque de Toriyama, donc forcément, je pense que l'influence était là. Mais on a quand même ce style un peu unique dans ce Dragon Quest, qui en entier s'appelle, je l'ai pas dit encore, Dragon Quest Dai no Daiboken, donc Dai. Il suffit de chercher Dragon Quest Dai, les gens, enfin Google trouve quoi. Et oui, donc c'est un super animé vraiment dans le sens où les personnages sortent des archétypes. Au début, le manga se cherche pendant les premiers épisodes et les premiers volumes, mais rapidement, il trouve ses marques. Et c'est vraiment un manga qui mise sur l'évolution de ses personnages. Et il y a énormément de scènes, de dialogues, de travail sur presque la psychologie des personnages, voilà, leur façon de gérer des fois des problèmes. Je veux pas spoiler la trame qui est vraiment super intéressante, mais par exemple, il y a un moment où le héros se pose des questions sur lui-même, sur savoir s'il mérite, enfin s'il a vraiment envie d'être héros, s'il n'y a pas trop de pression sur lui, etc. Il a presque envie de fuir, etc. Il y a des moments assez lourds dans le manga. Le héros, c'est Dai, donc, puisque en Ouais, fait, c'est tu Dai. as donné le nom comme un C'est vrai vrai, puriste, désolé. le nom japonais, mais c'est la quête de Dai, en fait, il me semble, en C'est français, ça. c'est ça? C'est ça dans la bonne traduction. Donc Fly, enfin nous on l'avait traduit Fly, le nom du héros, mais c'est Dai, le vrai nom. D'accord, et donc là, il s'appelle Dai, le héros, il s'appelle pas Fly, il s'appelle Ouais, c'est ça, il comme au s'appelle. Japon, ouais. C'est ça, il s'appelle D'accord. Dai. Ils ont refait une traduction. Il y avait eu une réadaptation du manga par Tonkam avec la bonne traduction aussi en France. Et donc là, l'animé Et qu'est-ce reprend qui lui la. arrive à ce pauvre Dai, au fait, au début, hein? Qu'est-ce qui est... Eh bien, du coup, donc l'histoire de base, c'est Dai qui a toujours vécu, comme souvent dans ce genre de manga, isolé des humains et qui ne sait pas. N'a pas de parents et a été élevé par son grand-père qui est un monstre. Et il a grandi sur une île de monstres et il rêve de devenir un héros. Et jusqu'au jour où, en fait, il y a des gens qui vont arriver sur son île et qui vont se faire passer pour des héros pour essayer de. En fait, c'est des faux héros, ils vont essayer de kidnapper les monstres de l'île. Et c'est comme ça que Dai va se retrouver impliqué dans ses premières aventures, avant de comprendre qu'au-delà de son île, il y a tout un monde, des royaumes, et que ce royaume est malheureusement attaqué par l'Empire du Mal. Ça, c'est très Dragon Quest pour le coup. Donc, il y a la Légion des Morts-Vivants, des monstres, des dragons, des êtres de feu, de glace, par exemple. Voilà, c'est vraiment des créatures typiques des RPG japonais. Et donc, de fil en aiguille, il va se retrouver à créer son équipe de héros, comme dans les RPG japonais, d'avoir un peu voilà, le magicien, le soigneur, Oui. etc. On retrouve aussi, je suppose, les figures féminines classiques des Dragon Quest. Alors, oui et non, il y a des originalités justement sur ça. Le manga prend un peu le contre-pied, au début, enfin, te donne l'impression qu'il va aller dans les tropes, un peu dans les clichés, à la fois des shonen et Oui, des RPG japonais, c'est et il vrai que ton prend un peu. pitch, effectivement, n'a pas l'air ultra original, mais justement, il prend le contre-pied de ça, c'est C'est ça, ouais. ça. En fait, le manga à la base était prévu pour vraiment contenir un ou deux volumes, un truc comme ça. C'était censé être un run très court. Et puis, en fait, le mangaka a eu l'opportunité de continuer. Et en fait, du coup, le contexte d'origine du manga, si tu veux, est très simple. L'aventure est très simpliste pendant les premiers volumes. Et en fait, après, tu sens que le mangaka prend sa liberté, prend son envol. Et le manga est vraiment très réputé sur ces deux derniers tiers, en fait. C'est quand même 70% du manga, hein. Mais voilà, il est réputé. Il a un début qui est un petit peu. Classique, on va dire, surtout que c'est un shonen des années 90, donc aujourd'hui c'est vu et revu pour le début en tout cas, mais après voilà, il prend son envol et il arrive à prendre le contre-pied de certains clichés des mangas japonais, quoi. Non, mais ça, c'est ça qui est intéressant. Du coup, effectivement, cette espèce de retournement, parce que il va y avoir un retournement aussi dans la série dont je vais parler, donc c'est assez marrant. Quelque part, oui, il y a un petit peu la même structure où on commence très très classique, et puis après, finalement, on retourne complètement à la table. Et ça, c'est vrai que c'est toujours marrant. Mais du coup, dans la série, puisque la série, je suppose que la première saison n'adapte que la première partie, les premiers volumes du manga, du coup, est-ce qu'on sent ce truc-là donc dans la série animée, ou comment ça se passe? Alors, on le sent quand même, mais j'ai vu des retours de gens qui n'avaient jamais vu le manga ou qui n'avaient jamais vu l'animé avant, et qui ont plutôt apprécié. Et la nouvelle adaptation, alors déjà, ne contient aucun épisode de remplissage ou quoi, comme il pouvait y en avoir à l'époque. Et puis, surtout, a réorchestré certains trucs, prépare un peu mieux les personnages, leur donne plus facilement une personnalité qui vont peut-être... Enfin, c'est pas qu'ils cassent le développement des personnages, mais ça, c'est tout ça est respecté, mais... ils rendent le personnage peut-être plus cohérent sur la totalité, alors que parfois au début le personnage se cherchait encore quand le mangaka n'était pas encore sûr, tu vois. Donc ça reste cohérent, il ne casse pas l'œuvre, hein, mais je trouve qu'ils ont rendu l'œuvre un peu plus cohérente de bout en bout. Alors je pense que le début est encore un petit peu poussif, mais ça reste. Après ça se laisse regarder, c'est pas mauvais du tout, c'est juste classique, gentil, méchant, etc. C'est plus tard que ça. Ça décolle un peu. Et là, les gens commencent vraiment à être à accrocher, j'ai l'impression, à l'adaptation. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, moi, de voir comment ils vont réussir à adapter tout ça. Mais vraiment, c'est un animé que je recommande chaudement, d'autant qu'il est facilement regardable, du coup, comme j'ai dit, sur ADN et Crunchyroll. Donc ça vaut le coup d'œil si vous êtes abonné à l'un de ces services. Ça se regarde vraiment facilement, quoi. Et c'est très accessible, quoi. Ouais, bah écoute, ça peut être vraiment intéressant, pourquoi pas. C'est vrai que moi les shonen, c'est toujours pareil, tu te dis, t'as toujours vu les mêmes choses et tout, bon, ça lasse au bout d'un moment, quoi. Donc c'est intéressant de savoir, voilà, que même si au début c'est shonen, ça se complexifie après. C'est ça, le rapport entre les personnages est beaucoup plus intéressant après. Ah, écoute, c'est très cool. Bah, c'est vrai que parce que moi, cette semaine, je vais vous parler d'une série, une série de Taguchi Tomoshiza, qui s'appelle Akudama Drive, je sais pas si t'en as entendu parler. Non, mais j'avais hâte que tu m'en parles justement. Ouais, bah, elle est sortie en octobre dernier sur Wakanim, et puis donc elle est produite par Studio Pierrot et Tokyo Game. Et justement, il n'y a pas que Studio Pierrot, il y a aussi Tokyo Game. Et Tokyo Game, c'est un truc de jeu vidéo. Alors Studio Pierrot, c'est un gros studio assez ancien, hein, qui date de 79, qui a déjà produit littéralement des tonnes de trucs dès les années 80. D'ailleurs, pêle-mêle, il y a Lamu, je suppose que tu te souviens, Lamu et Mimagic, GTO. Ouais. Et aussi, plus proche de nous, Naruto, Emma, Blue Dragon. Blue Dragon, je crois que tu l'as vu d'ailleurs. Non, mais ça m'intéressait aussi. Enfin, je l'ai sur ma watchlist pour le coup. Oui, bah voilà, donc effectivement, et puis Boruto, Tokyo Ghoul, Black Clover, donc voilà, c'est vraiment pour ne citer que les plus connus. Et Tokyo Game, par contre, c'est, comme son nom l'indique, c'est un studio de jeux vidéo hein, sur mobile, qui a fait donc le World's End Club, par exemple. Donc, ce qui appartient à la série des World's End, bon, c'est un truc qui a débuté sur DS. Mais bon, ce studio a été cofondé par Kazukata Kodaka, qui est le créateur de la série Danganronpa. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été attiré, en fait, par Akudama Drive, parce que Danganronpa, c'est une série de jeux cultes, hein, ou presque, on va dire, sur PS4 et PS Vita. Donc, ça prend la forme d'un croisement entre jeux d'aventure et visual novel. Donc, c'est assez connu, je sais que l'imagerie, t'es familier de l'imagerie, effectivement, ouais. Mais c'est ce genre de jeu, enfin moi ça me fait penser un peu dans l'idée à du Persona, alors c'est pas pareil, mais je veux dire dans le côté justement mixé visual novel, aventure, essayer de s'élargir au-delà du visual novel quoi. Ouais, complètement, c'est un peu un mélange des genres, effectivement, et c'est assez original. Alors, il y a trois épisodes, en l'occurrence, hein, donc dans chacun, c'est un groupe d'adolescents qui ont tous un talent particulier, et qui sont réunis, qui sont même prisonniers, en fait, dans un lieu différent selon les épisodes, hein. Et dans le premier, par exemple, c'est un lycée. Bon, c'est un lycée particulier, hein, c'est une académie d'excellence, même, d'ailleurs, plutôt qu'un lycée. Mais à l'intérieur, ils sont retenus prisonniers dans le bâtiment, et il y a un jeu macabre qui est mis en place par une espèce d'ours en peluche psychopathe, qui s'appelle Monokuma. Et ça, c'est vrai que beaucoup de gens ont connu, connaissent Monokuma, ne serait-ce que de vue. C'est le ours double face, le ours bicolore, qui est devenu emblématique, hein. Et donc c'est lui qui explique aux 14 participants du premier épisode que la seule façon de sortir de l'académie, c'est de tuer un de ses camarades en réalisant un crime parfait, c'est-à-dire de ne pas être suspecté. Et donc du coup le jeu c'est que toi, le joueur, tu es un étudiant sans talent particulier, voilà, monsieur tout le monde, et t'es embarqué là-dedans, et tu vas mener l'enquête pour chaque meurtre, parce que oui, en fait, les ados vont finir par jouer le jeu, finalement, même si tout le monde s'en défend au début, bah, les ados vont finir par jouer le jeu, et des meurtres qui vont avoir lieu, et Danganronpa, c'est donc un jeu d'enquête, avec des phases d'investigation, où t'as des phases de résolution de procès. Et donc, en fait, c'est très narratif pendant les phases d'enquête, et alors, beaucoup moins pendant le procès, parce que pendant le procès, en fait, tu résous le puzzle, quoi, si tu veux. Donc, si t'y arrives pas, bah, c'est game over. Et puis, si t'y arrives, bah, ça veut dire que le mec a pas fait le crime parfait, puisqu'il s'est fait pincer. Et donc, bah, c'est fini, voilà, c'est, voilà, donc, il s'en va. Et donc, c'est un visual novel, parce que, effectivement, il y a énormément de caractérisation des personnages, il y a beaucoup de backstory. T'sais, les personnages sont très construits, il y a beaucoup de suspense et de rebondissements, il y a des rebondissements tout le temps. Et donc le tout est emballé avec beaucoup d'humour, d'humour noir, hein, et de perversité, quoi. Donc, dans les Danganronpa, moi je pense que ça s'apprécie le mieux sur console portable, hein, c'est des jeux très barrés, et donc c'est vrai que j'étais curieux de voir ce que le cerveau perturbé derrière tout ça pourrait donner sur un animé. Je sais pas si c'est sorti sur Switch, les Danganronpa. Moi j'ai joué sur Vita, donc ça existe sur PS4, ça j'en suis sûr. Après je sais pas, c'est... Pas ma connaissance, je crois qu'ils sont restés sur PlayStation. C'est vraiment comme... ça me fait penser vraiment à Persona, du coup, pour le coup. C'est exactement la même chose, enfin exactement la même chose, non, mais c'est très... Il y a un gros parallèle, quoi, ça sort pas sur Nintendo, ça sort sur la console PlayStation, et ça mixe visual novel, alors plutôt RPG, JRPG tour par tour, et où tu incarnes des lycéens, etc. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve qu'il y a des parallèles intéressants, je trouve, avec ce que tu dis. Ouais, complètement. Non, mais c'est vrai, c'est un de ces jeux effectivement très originaux. Enfin, donc il y a plus, il y a quatre épisodes en fait, puisqu'il y a aussi un spin-off d'action. Et franchement, je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter une Vita, parce que, bah ouais, c'est quand même très pratique de le faire sur Vita. En portable, et puis bon, bah, là, les Vita, c'est pas très très cher, je pense que vous pouvez en trouver pour pas trop trop cher en ce moment, bon, ben voilà, je pense que ça, c'est un truc à tenter, Danganronpa, mais bon, je suis pas venu pour parler de ça, hein, malgré les apparences, je suis venu pour parler d'Akudama Drive, qui part sur une base un peu similaire, en fait, et assez cliché, puisque finalement, c'est 7 Akudama qui sont recrutés plus ou moins de force par un mystérieux chat robot pour attaquer le Shinkansen. Donc là, déjà, tu vois, le pitch, il est... oui, ça te rappelle un peu. Je ne sais pas d'où ça part, quoi. Et en fait, Akudama, ça veut dire méchant en japonais. Ça veut dire méchant. D'accord. Comme criminel, tu vois, méchant de série, en fait. C'est le bad guy, quoi. Et donc, dans la série, donc, il désigne, en fait, tous les criminels qui sont classés par leur rang. Donc, tu as des rangs de criminels, des criminels... des petites frappes de niveau, je sais pas, zéro, puis après, en rapport avec leur peine, qui peut atteindre, comme aux États-Unis d'ailleurs, des centaines d'années, voire des milliers d'années, ça peut aller même jusqu'à la peine de mort, ben voilà, il y a des niveaux comme ça, des rangs d'Akudama, et il y a des escadrons aussi d'exécuteurs pour les traquer. Alors, on est dans un monde qui est très cyberpunk, c'est très tendance en ce moment, j'ai l'impression, le monde cyberpunk, c'est très bien reproduit, alors, mais il n'y a aucune référence temporelle. Du coup, hein, on ne dit pas c'est dans le futur, on ne sait pas. Donc au début, on suppose qu'on est dans l'anticipation traditionnelle, mais en fait, peut-être pas. Et d'ailleurs, au départ, bah, on suit une jeune fille banale, hein, qui, bah, par pure sérendipité, hein, se retrouve à commander des takoyaki juste près d'un beau, voilà, juste à côté d'un beau jeune homme. Un beau jeune homme avec une main robotique et la moto d'Akira sous stéroïde, hein, puisque voilà, si vous imaginez la moto d'Akira en noir, c'est exactement ça. Et bon, bah, il se passe rien de spécial, hein, sauf que lui laisse tomber une pièce de 500 yens et elle la ramasse. Et là, pas de bol, la mamie qui fait les takoyaki, elle veut que des espèces. C'est quand même incroyable. Enfin, elle veut que des espèces. Ou voilà, elle veut pas de. Elle a sa carte bleue, mais elle veut que des espèces. Donc bon, déjà, tu te dis dans quelle époque on est pour que quelqu'un veuille encore des espèces. Tu vois, c'est pas clair. Et donc, bah, la fille doit utiliser la pièce qu'elle vient de ramasser, mais elle estime qu'elle lui appartient pas. Et du coup, la mamie s'énerve et elle se retrouve au poste de police. Pas la mamie, hein, la fille. Et donc, ce choix d'une honnêteté qui est quasi ridicule, hein, va l'amener au mauvais endroit, au mauvais moment, et elle aboutir à une séquence de rocambolesque, hein, d'événements qui vont l'embarquer dans le casse du siècle et faire d'elle une Akudama de rang S+, en quelques jours seulement. T'imagines la séquence d'événements qui peut se passer pour... Et bon, voilà. Effectivement, Akudama, du coup, c'est un animé qui est très cartoon. Il n'y a pas de réalisme, hein, cherchez pas. Il y a beaucoup d'action, c'est très très fun, c'est très bien animé d'ailleurs, c'est très joli. La série est hyper consciente, surtout de ses propres clichés, quoi. Voilà, elle assume à fond. Et on reconnaît... cette fille, donc, on connaîtra bientôt sous le nom d'arnaqueuse. Et tous les persos ont des noms qui sont complètement fonctionnels. Donc il y a Coursier, hein, c'est le mec à moto. Il y a Bagarreur, il y a Hacker, il y a Docteur, il y a Voyou, il y a Assassin. Voilà, ils sont tous ultra caricaturaux. Et c'est un ressort comique constant d'ailleurs. Hein. Bagarreur, il est jovial et il résout tout par la force pure. Et il résout entre guillemets. Assassin est obsédé par le rouge, Docteur est une femme fatale capable de s'auto-recoudre même si on lui tranche la gorge, donc voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans le over the top quoi. Hacker c'est un ado à casquette avec des drones, voilà, on y est, tout est over the top, et on réalise assez vite qu'on est devant un shonen qui se prend pour un jeu vidéo, à moins que ce soit l'inverse, je sais bah, même pas vraiment, et bon, comme dans Danganronpa, il y a un mystère sous-jacent dans le monde de la série. Alors dans le monde de la série, c'est un monde très, vraiment très particulier, puisque en fait, dans le monde de la série, le Kansai et le Kanto se sont fait la guerre. Peut-être petit point géo, très, ouais. Le Japon c'est comme la France, hein. Vas-y. C'est Paris-Marseille qui se font la guerre, quoi. C'est exactement ça. Le Japon c'est divisé en régions, comme nous en fait, hein. Donc il y en a 8 sur les 3 îles principales. Et bon, donc elle-même, dans Honshu, qui est au milieu, elle est divisée en plusieurs régions, et le Kanto, c'est la région de Tokyo, et Tokyo et Osaka, c'est la région de Tokyo justement. Et Osaka, c'est celle du Kansai, voilà, exactement. Ouais. Donc Osaka, c'est au sud-ouest par rapport à Tokyo, et donc c'est vrai, on compare effectivement parfois la situation géographique à celle de Paris-Marseille, avec des particularités culturelles qu'on vous visualise bien ici, puisqu'en fait, on a les mêmes en France, je veux dire, les Marseillais, c'est pas les mêmes, hein, faut pas déconner. Typiquement, les gens du Kanto se moquent de l'accent des gens du Kansai, quoi. Enfin, il y a un truc sur l'accent. Il y a un truc comme ça. Il y a vraiment, vraiment des particularités. Alors, ça va un petit peu plus loin, en fait, au Japon, parce que le dialecte du Kansai, il y a des différences vraiment notables avec le japonais de Tokyo, et donc, ceux qui parlent le dialecte, c'est un peu plus... Je pense que c'est peut-être un poil plus quand même que Paris-Marseille, mais c'est vrai que c'est vraiment l'idée, quoi. Oui, tu saupoudres ça un peu de Pays Basque, quoi, en gros. Voilà, ouais, ça doit être ça, c'est vrai, c'était Paris, le Pays Basque, ouais, voilà, c'est ça, là, on est en fond dedans. Donc vous imaginez cette rivalité, donc, un peu régionale, mais portée à l'état de guerre ouverte et super grave, et donc on apprend petit à petit, en fait, qu'il y a fort longtemps, le Kanto a gagné une guerre contre le Kansai, et qu'il a contribué à la reconstruction tout en vassalisant la région. Donc autour d'Osaka, c'est un no man's land, avec le seul lien avec le Kanto, qui est donc, voilà, c'est désormais devenu un mythe, le Kanto, c'est mythifié, personne du Kansai n'a le droit d'aller dans le Kanto, ben ce seul cordon, c'est le Shinkansen. Et le Shinkansen, c'est l'actuel TGV japonais, hein, tout simplement, il tourne encore, c'est leur TGV, quoi. Donc le train lui-même, il est vénéré, en fait, comme une émanation de ce Kanto qui est devenu légendaire, tu vois, donc braquer le Shinkansen, c'est le casse le plus ambitieux que tu puisses imaginer. Et donc c'est pourquoi le char-robot recrute les meilleurs, les pires, Zakudama, pour le faire, et parce que c'est extrêmement dangereux, c'est aussi extrêmement bien payé, et en plus, ils ont pas trop le choix, parce que il y a un aspect d'Aganrampa qui arrive, c'est que ça revient discrètement au début, et puis ça se précise, et puis finalement ça fait basculer complètement la série dans la deuxième moitié de la saison, puisqu'en fait, les Akudama qui sont recrutés par le chat, s'ils font pas leur truc, ils meurent, tout simplement, ils sont tués, immédiatement. Donc ça, c'est l'aspect d'Aganronpa, où tu peux pas t'échapper, en fait, hein, de cette tâche qu'on t'assigne. Et donc il y a ça, et puis après, voilà, c'est... En fait, alors qu'on partait, si tu veux, sur un animé d'action marrant, ultra shonen, on passe progressivement dans une course tragique et désespérée, et jusqu'au boutiste, hein, d'un groupe de parias, quoi, complètement. C'est assez marrant, le shift est vraiment, vraiment énorme. On a des gens qui sont forcés de faire face à eux-mêmes, quoi, tu vois, de se révéler, de se métamorphoser parfois, et dans le processus de remettre en question même carrément la structure de la société. Et donc on a un final qui résonne pas mal avec l'actualité. Bon, je vais pas en dire plus en fait, mais ça, voilà, ça finit pas du tout de la même manière, enfin ça finit pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Donc tu vois, c'est aussi un petit peu comme toi, ça se révèle au fur et à mesure, on va dire. Et du coup, au bout de la saison, là, j'ai cru comprendre, donc il n'y a qu'une seule saison. Ça appelle, enfin, c'est. Est-ce qu'on sait la portée du truc, ou est-ce qu'il y aura. De mon point de vue, ça suffit à soi-même. Je pense vraiment que ça suffit à soi-même. Voilà, c'est vraiment. Akudama Drive, ça commence comme un jeu, en fait. Hein. On organise le casse du siècle avec les As des As, sans penser au lendemain, et. Voilà, sauf au virement du milliard de yens, quoi, c'est excitant, c'est glamour même, tu vois, il y a le côté glamour du casse du siècle, etc., avec des personnes. Oui, je vois l'idée. Mais voilà, par contre, le réveil est brutal, en fait, tu vois, il y a plus de bulles, il y a plus de paillettes, les morts ne reviennent pas, hein, et Ranakeuse, donc l'héroïne, elle doit grandir, et elle doit réaliser que le destin qu'elle a choisi, sans le savoir, quand elle a gardé cette pièce, il va falloir le réaliser, c'est pas facile, quoi. Donc, est-ce que ce hasard en coup de poisse, ou bien simplement la conséquence d'un idéalisme, tu vois, et finalement, cet idéalisme, cette détermination, elle l'a porté déjà en elle. Et c'est ce qu'elle va révéler, donc, quelque part. Cet incroyable talent d'arnaqueuse aussi qu'elle ignorait avoir, tout était en elle, quelque part. C'est quelque chose qui... C'est la série, si tu veux, va révéler les personnages, elle va révéler en particulier l'héroïne, qui va grandir, en fait, qui va mûrir au fur et à mesure du récit. Donc ça, c'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu, en fait. Je trouve que la série est globalement très bien, mais c'est pas parfait non plus. Faut pas non plus, tu vois, je veux dire, il y a aussi quand même des petits défauts. Être conscient des clichés, de ces clichés, tu vois, et même le dire, ça excuse pas tout. Oui. On peut pas considérer que ce soit toujours super subtil, quoi. Bon, c'est vrai. Le scénario, le world building, manque finalement un peu de profondeur, parce que c'est vrai qu'il, comme je te dis, c'est vraiment un contexte très particulier, donc on pourrait, tu vois, broder beaucoup plus. Finalement, on n'a pas tellement le temps de le faire, c'est un peu dommage. Et comme dans Danganronpa, les personnages, contrairement à ce que les stéréotypes initiales peuvent faire croire, sont plus importants, finalement. Et on finit par s'attacher à ces clichés sur pattes, tu vois. Même si le monde autour aurait gagné peut-être un petit peu plus travaillé. Bon, écoute, en tout cas, moi je trouvais ça quand même vraiment pas mal, assez original. La série sur Wakanim, pour le coup, elle compte 12 épisodes de 25 minutes. Et attention, c'est violent. C'est-à-dire, c'est pas pour les Yuki, c'est-à-dire c'est violent dans le sens où, bon, ça castagne, il y a des morts et tout, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, dans le dernier tiers en particulier, il y a carrément de la violence psychologique qui est pas pour les Yuki, quoi. Donc c'est quand même... Voilà, c'est plutôt pour les adultes, on va dire. Et oui, ce n'est pas parce que c'est du dessin animé que... Bon, ça, je pense que maintenant, c'est quand même assez intégré par rapport à l'époque du Club Dorothée, de Dragon Quest. Ouais, je pense. De Fly. Ouais, je pense. Bah, j'ai l'impression que Dragon Quest, ça reste un petit peu plus... Dragon Quest est très, très grand public. Moi, je l'ai regardé quand j'avais moins de 10 ans... Il n'y a pas de souci. Enfin, il y a un peu de violence, mais ça reste très grand public. Il n'y a pas de violence psychologique grave. Je voulais juste dire que à l'époque où c'était diffusé, par contre, t'avais des trucs comme Ken le Survivant et tout ça, qui n'étaient pas forcément faits pour les enfants. Oh, bien sûr. Voilà. Maintenant, je pense que c'est quand même plus intégré quand les gens regardent des animés que tous les animés ne sont pas faits pour les enfants. Enfin, il y en a qui sont faits pour les adultes, etc. Quoi. Oui, non, complètement. Là, effectivement, on est quand même sur des trucs qui s'adressent plus à des jeunes adultes ou à des ados plus âgés, quoi, qu'à des enfants, c'est sûr. Bon, même si, bon, après, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce genre de truc, donc vous regarderez si c'est interdit au moins 18 ans ou pas, puis vous ferez une idée, mais c'est un truc qui est plus mature que ce qu'a sonné à l'air au début, même si, voilà, on reste dans le cartoon over the top un petit peu tout le temps. Donc ouais, c'était plutôt une bonne surprise, en fait. Je savais pas trop quoi en attendre, mais bon, finalement, ça se tient pas mal, quoi. Bah, peut-être que faudra que j'essaye Dragon Quest, du coup, aussi, à savoir. C'est vrai que c'est bien quand on est un petit peu surpris, comme ça. Je sais pas, écoute, peut-être que... Voilà, là, t'as Akudama Drive et Danganronpa à faire, je suis désolé. Oui, tu as peut-être réussi à mieux me vendre le jeu que l'animé, mais peut-être parce que ça me parle plus, justement, de ce que tu m'as dit du jeu, mais les deux ont l'air intéressants. Après, sur l'animé, ce qui a l'air bien, c'est quand même qu'il est relativement court et que du coup, je pense que c'est vite testé, justement. Oui. Tu peux vite exactement. Ouais, ça va assez vite. C'est pour ça que c'est pas non plus un investissement énorme. Et Danganronpa, par contre, c'est un investissement un petit peu plus long. Oui, je prends toutes les visual novels au Japon. Exactement. Tu vois le genre, les visual novels, voilà, les 3 épisodes, c'est 150 heures à mon avis. Hein, donc, c'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus costaud. Mais je pense qu'ils sont sortis sur PC. Là, j'ai pas vérifié, donc j'espère que je dis pas de conneries. Mais je pense qu'ils sont sortis aussi sur PC. Donc, voilà, un truc à voir, un truc à essayer. C'est vrai que c'est pratique. En fait, on peut peut-être finir là-dessus parce que finalement, on a parlé un peu quelque part de d'autres adaptations animées de jeux vidéo. Bon, c'est pas exactement le cas pour Danganronpa, mais on est un peu dans ce contexte-là. Et c'est vrai que quoi qu'il en soit, dans les deux cas, l'animé est peut-être plus facilement digeste qu'un jeu de 50, 100, 150 heures. Et c'est vrai que le dernier Dragon Quest en date, par exemple, c'est Dragon Quest 11 et il dure une centaine d'heures, quoi, à faire. Et l'animé est beaucoup plus facile à regarder, quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être une bonne porte d'entrée. Ouais, c'est vrai que, bon, c'est totalement un autre sujet, mais c'est vrai que les jeux très très longs, c'est à la fois très très cool, parce que quand c'est un super jeu, ça dure longtemps, c'est cool. Bien mais après, ouais, c'est compliqué de trouver le temps de finir tous, quoi. Exactement, faut avoir le temps. Non, mais du coup, voilà, c'est bien les animés. Tu peux regarder ça une fois par semaine. Ça dure 20 minutes en plus. C'est des formats assez courts, quoi. Donc, c'est très bien. Écoute, on va partir là-dessus, effectivement. Ben, merci de nous avoir écoutés. On espère vous avoir donné envie de voir tout ça, hein, éventuellement de jouer à tout ça. Bon, est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur Internet, Cassim, Bien d'ailleurs? sûr, vous pouvez venir me voir sur Twitter, @notcassim, NOTCA2SIM, pour venir me dire que vous connaissez déjà Dragon Quest Dai no Daibouken et que vous avez adoré l'anime, ou que vous venez de découvrir grâce à moi, et c'est génial, et vous pouvez venir me le dire sur Twitter. Mais oui, allez-y, allez-y. Allez-y, absolument. Moi, je suis Guillaume Poggiaspara. Vous me retrouvez ici même, sans doute bientôt, sur Tech Café aussi, un podcast tech que vous devriez peut-être tester. D'autant qu'il y aura aussi Cassim Il la paraît, semaine il paraît. prochaine. Et oui, il paraît. Donc franchement, ce serait bête de se priver, hein. Bon, J'ai viens quand chauffé, même. j'ai, maintenant j'ai chauffé le siège, tu vois, je pense que je vais rester. Mais oui, mais bien sûr. Bah, attends, mais quand tu veux, toujours la porte ouverte, évidemment. En tout cas, merci de votre écoute. De votre soutien d'ailleurs, hein, par cette écoute, et plus directement, bah, n'oubliez pas que vous pouvez aussi commenter et noter ce podcast sur Podcastix, et bien sûr mettre des étoiles par pleine poignée sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou je sais pas, mais vous trouverez bien, hein, voilà, où trouver où nous mettre des étoiles, j'en suis sûr, vous allez trouver. Mettez-nous des Allez, étoiles plein les yeux. exactement, ah là là. Allez, à ciao. Ciao.